Bonsoir Anthony. Alors je ne vais pas du tout te raconter ma soirée d'hier soir parce que ça ne te regarde pas et qu'on n'en est pas encore là. Je vais me contenter de te dire que j'apprécie ce fait étrange de penser à toi ce soir. J'apprécie vraiment.